Inflation CQFD, Antoine Beauchamp. 2024 a commencé sur les chapeaux de roue et pour bien démarrer cette année, on a sélectionné pour vous le meilleur de l'actualité scientifique. Le réchauffement climatique a-t-il des conséquences sur l'activité volcanique? Cette question, aussi brûlante que le magma, pourrait bien trouver un début de réponse dans la fonte des glaces. On passe des volcans à un séisme dans le monde de l'archéologie où un fragment de papyrus datant du 2e siècle de notre ère pourrait être le plus vieux extrait d'un évangile apocryphe. Apocryphe, ça ferait un joli nom de chat ou encore d'insecte. Et ça tombe bien, le programme scientifique Planète Revisitée en a découvert de nouvelles espèces en Corse. Volcan et climat, un évangile perdu et la faune corse, c'est notre menu au clair de la une. Bonjour Marine Benoît. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le magazine Science et Avenir, notre partenaire chéri et en duplex depuis Bastia et les studios de France Bleu, Frequenza, Mora en Corse. Nous sommes en duplex donc avec Cécile Breton. Bonjour Cécile. Bonjour Antoine. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Espèce et nous sommes en studio avec vous, Vincent Louquezet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le site reporter.net. Bienvenue à vous dans notre studio et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez comme chaque jour retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Twitter ou X @ScienceCQFD. Comme je le disais en introduction de l'émission, on va ouvrir plusieurs dossiers dans notre tour d'horizon de l'actualité scientifique. Il sera question aujourd'hui d'une découverte archéologique réalisée à la fin du 19e siècle et réexaminée récemment qui bouleverse la communauté des spécialistes de la Bible. On fera un tour sur les chemins des espèces naturelles présentes en Corse. Mais on ouvre tout d'abord cette émission avec vous, Vincent Louquezet. Vous consacrez sur le site reporter.net un long article qui sera la trame de notre dossier du jour. Votre article part d'un constat un peu contre-intuitif. La façon dont nous réchauffons l'atmosphère pourrait avoir des conséquences jusque dans les profondeurs de la Terre où se forme le magma. Alors quels sont les constats initiaux qui ont conduit à émettre cette hypothèse un peu étrange? C'est vrai que c'est pas du tout intuitif. On se dit quel est le rapport finalement entre la hausse du CO2 dans l'atmosphère et ce qui se passe dans les entrailles de la Terre. En fait, le lien, il est un petit peu... D'abord, vous parliez des constats initiaux. Aujourd'hui, c'est une science vraiment émergente. C'est ce que m'ont dit déjà beaucoup de chercheurs. C'est qu'on est sur un domaine de recherche vraiment très récent et qui fait que c'est un peu frustrant, comme souvent en science, mais beaucoup de chercheurs disent « on ne sait pas encore, on n'a pas encore de certitude ». Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, c'est constaté un lien entre l'hydrosphère et la géosphère. C'est-à-dire que finalement, le climat, il va influencer la Terre par l'intermédiaire du cycle de l'eau. C'est l'eau qui va être bouleversée. Et donc, en bouleversant l'eau, en faisant fondre des glaciers, en provoquant des pluies de plus en plus torrentielles, mais aussi par la hausse du niveau des mers, tout ça va finalement avoir un rôle sur la roche. Comment? En modifiant la pression de cette roche. En fait, c'est un peu le point essentiel. On peut revenir sur la manière, en deux mots, dont se forme le magma sous terre. Tout ça se passe à des dizaines de kilomètres sous la surface, grosso modo à 100 kilomètres, hein, si ça varie suivant les conditions. Et à cet endroit, il y a deux manières pour que la roche passe en partie à l'état liquide et forme du magma. Il faut soit augmenter la température. Donc, pareil, en ordre de grandeur, c'est très variable, mais c'est environ 1000 degrés quand même Celsius pour que la roche fusionne. Donc, soit on augmente la température, soit on baisse la pression. Parce que la pression, plus elle monte, plus il faut que la température soit élevée pour que la roche fusionne. Et donc, justement, c'est ce qui va se passer. C'est qu'à environ 100 km ou quelques dizaines de kilomètres de profondeur, un tout petit changement de pression, alors c'est relatif, mais un petit changement de pression provoqué par... peut-être notamment la fonte de ces glaciers, va être suffisante pour que le niveau de fusion soit atteint et que le magma se forme à cause, en l'occurrence, de ces glaciers. Quoi. Ça, c'est étonnant, justement, ce lien entre feu et glace. La fonte des glaciers, c'est quelque chose qu'on constate depuis plusieurs décennies. Je crois que rien que pour entre 1994 et 2017, on a perdu 28 000 milliards de tonnes de glace, ce qui occasionne, du coup, cette baisse de pression dont vous parlez. À quels endroits, par exemple, du monde, on va pouvoir... aller effectuer ce genre de relevé et donc du coup étudier si oui ou non il y a un regain d'activité volcanique lié à cette disparition de la glace. Mais le terrain d'étude idéal évidemment pour les vulcanologues c'est l'Islande, hein, la terre de volcans par excellence. On y reviendra tout à l'heure. Vous vous souvenez peut-être, c'était en décembre dernier, le 18 décembre, qu'il y a eu une nouvelle éruption dans la péninsule sud de l'Islande à quelques dizaines de kilomètres à peine de Reykjavik. Alors c'est des noms qui sont toujours très peu radiophoniques mais je tente quand même, c'est un glacier qui s'appelle le Soudan Nunugia-Gigar. Comme ça, voilà, oui. J'ai un peu répété. Oui, non, mais je vous suis là-dessus, je ne vous contredirai pas. Et donc voilà, cette éruption-là, elle suscite quelques questionnements de la part des chercheurs, parce qu'il y a déjà eu une éruption en 2021, en 2022. Mais avant ça, ça faisait 800 ans qu'il n'y avait pas eu d'éruption dans la région. Et donc ça pose la question, et chez Reporters, c'est notre biais permanent de penser l'écologie. Donc finalement, on s'est demandé, est-ce que ça pouvait avoir un lien avec le réchauffement climatique? Et de manière plus générale, est-ce que la perte des glaces pouvait avoir un lien? Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'études depuis quelques années qui émergent là-dessus, et notamment sur ce qui s'est passé à la fin de la dernière glaciation, dernier âge glaciaire. C'était il y a environ 12 000 ans, vous savez, vous avez peut-être en tête l'âge de glace ou ces choses-là. Là, à cette époque-là, les glaciers étaient sur toute la moitié nord de l'Europe, sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, c'était vraiment des glaces énormes. Et quand tout ça a fondu, donc il y a environ 12 000 ans, des chercheurs se sont rendus compte qu'on avait un regain d'activité volcanique qui correspondait à cette déglaciation. Et comment ils ont pu établir ce lien-là? Est-ce que c'est en observant les strates, tout simplement? Comment ils ont C'est ça, voilà, c'est dans les sédiments. Alors, sans entrer dans les détails, mais on peut retrouver dans les sédiments les traces des particules issues des éruptions volcaniques et les corréler avec l'évolution des glaciers et l'évolution de ce qu'il y avait dans l'atmosphère à cette époque-là, quoi. Alors, si la fonte des glaces occasionne un regain de pression sur la couche, le substrat terrestre qui abrite ce magma et donc provoque une plus grande production de magma. Je ne suis pas complètement physicien, géophysicien, mais je me dis, quand quand la glace fond, le niveau des mers augmente. J'imagine du coup que la mer qui augmente en termes de volume va avoir une masse supérieure, elle aussi, sur le substrat terrestre. Alors est-ce que cette augmentation du niveau des mers à certains endroits va lui aussi occasionner des regains de pression là où la pression s'allège à d'autres endroits? Ouais, tout à fait. Ça fait partie des facteurs regardés par les géologues, les volcanologues. C'est qu'effectivement, plutôt sur le plancher océanique, sur les volcans concernés par ces surfaces océaniques, ont plutôt tendance à être auraient tendance à avoir une activité abaissée par cette hausse du niveau des eaux. Ça fait partie des facteurs qui entrent en compte aussi, mais vous l'avez évoqué en introduction, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la manière dont le climat peut influencer l'activité volcanique, et notamment aussi les pluies torrentielles. Mmh. Ça a pas l'air comme ça, mais ça pèse aussi très lourd, une pluie torrentielle, quand ça crée une inondation sur un terrain. Et un des gros problèmes qu'il y a pour les habitants de certaines régions, c'est que finalement, le réchauffement climatique va provoquer une hausse de beaucoup d'événements extrêmes, et notamment de pluies torrentielles, dans des zones qui sont aussi souvent des zones volcaniques. On pense par exemple au Japon ou aux Philippines. Ce sont des zones tropicales où il peut y avoir des pluies torrentielles et où les failles volcaniques peuvent occasionner aussi un regain d'activité, puisque cette eau, en fait, va s'infiltrer dans le sol, dans le sous-sol, et peut occasionner des fissures qui vont favoriser le déplacement du magma, ou peuvent aussi agir de différentes manières, parce que l'eau peut être un déclencheur, un provocateur d'explosion par la vapeur à travers la manière dont il s'insulte. Là, pour les volcans explosifs, du coup, et non plus éruptifs. Ouais. Ou influencer aussi, déstabiliser la structure même du volcan, les pentes des volcans eux-mêmes, et donc engendrer de l'instabilité et accentuer l'activité volcanique. Est-ce qu'on a aujourd'hui des mesures qui permettent d'effectuer un suivi dans le long terme de ces paramètres-là, notamment liés aux pluies, au Japon, aux Philippines, aux Antilles? Alors, il n'y a pas de mesure précise à ma connaissance. En tout cas, je ne veux pas parler à la place non plus des volcanologues. Mais ce qui est sûr dans ce que j'ai eu comme discussion avec les chercheurs que j'ai interrogés pour cet article, c'est qu'il y a des grosses incertitudes sur l'inertie, justement, de ces systèmes volcaniques. Parce que, comme c'est un phénomène qui a lieu sur des centaines d'années, les chercheurs manquent de données sur le très long terme. Et donc, c'est une grande question. C'est est-ce que, finalement, ce regain d'activité volcanique, il est provoqué dans les décennies qui viennent par la fonte très rapide aujourd'hui qu'on provoque de ces glaciers et les autres événements extrêmes dont on a parlé? Ou est-ce que ça prend longtemps? Parce que, justement, je parlais de l'étude d'il y a 12 000 ans, enfin, faite sur la déglaciation d'il y a 12 000 ans. En l'occurrence, on a observé une inertie de 600 ans entre la déglaciation et le moment où les volcans ont commencé à regagner de l'activité. Mais tout ça n'est pas très consensuel chez les chercheurs, puisque d'autres études disent l'inverse. Notamment une étude qui montrait qu'on avait perdu 10% de la masse de la calotte en Islande au XXe siècle, et que de manière très corrélée, 10% de magma avait été produit en plus à cet endroit-là. Il y avait un rapport mathématique voilà, assez strict. Sur une temporalité beaucoup plus courte. Mais ce qui fait qu'on ne sait pas trop aujourd'hui vraiment ce qui va se passer, si ça va arriver dans 600 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais les volcans devraient s'activer un petit peu plus à cause de ces effets-là. On va parler bien sûr de ce laboratoire volcanologique qu'est l'Islande, laboratoire à ciel ouvert dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais avoir éventuellement une réaction. Marine Benoît, est-ce que vous entendez? Est-ce que en écoutant Vincent Lucchese, vous vous dites, bon, on n'est toujours pas sorti de l'auberge, quoi, finalement, si... Oui, alors c'est vrai que moi, je suis pas experte en volcan, mais il s'avère qu'en plus, on fait notre dossier ce mois-ci aussi Il y a l'archéologie, donc il y a la Bible, donc, dont on parlera tout à l'heure, mais il y a aussi un dossier sur les colères de la Terre, et dans lequel, en fait, notre journaliste explique que dans la baie de Naples, il y a un volcan qui, est pour le coup, est entré en éruption en 1538, pour la dernière fois, mais depuis 2005, qui montre des signes d'activité qui s'intensifient. Donc aujourd'hui, il y a des chercheurs qui préviennent, la catastrophe pourrait être imminente. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un super volcan, donc qui pourrait déverser vraiment des centaines, voire des milliers de kilomètres cubes de magma. Donc, ce que je me dis, c'est juste que s'il y a des facteurs aggravants, tels que le réchauffement climatique, au point, enfin, la vitesse à laquelle ça va, peut-être que c'est des choses qui peuvent rendre encore plus probable cette catastrophe imminente. Voilà. Un réveil des champs phlégréens sous la ville de Naples, c'est pas ce qu'on souhaite aux Napolitains et c'est pas ce qu'on souhaite à cette sublime ville de Naples. Cécile Breton, une réaction éventuellement à ce que vient de dire Vincent Louquézé ou Marine Benoît? Oui, ce que je trouve, ce que je trouve très intéressant aussi dans cette histoire, cette étude, c'est que il y a toute une phase de caractère complètement imprévisible d'effets. Vous savez, c'est ce qu'ils appellent les boucles de rétroaction dans le climat, c'est-à-dire que un effet négatif entraîne un autre effet négatif qui accroît le précédent, quoi. Et je crois que c'est un peu ce que vous dites dans l'histoire des aérosols qui sont envoyés dans l'atmosphère par les par ces volcans, on risque en plus d'augmenter l'effet de serre. Et je pense qu'effectivement, c'est des mécanismes qui sont à une échelle tellement énorme et de la planète entière que c'est très difficile de les prévoir et de les anticiper, quoi. Donc oui, ça fait assez peur, je trouve. Mais bon, c'est pas les premières fois qu'on sait qu'il y a tout un pan de la recherche au climat qui est encore à faire, quoi. Vincent Louquézé. Oui, juste attention effectivement, c'est des boucles de rétroaction possibles qui peuvent être assez vicieuses. Mais pour le coup, justement, ça peut être aussi contre-intuitif, mais c'est pas de l'effet de serre qui est généré par ces éruptions volcaniques. C'est même l'inverse. C'est plutôt ce qu'on appelle du refroidissement, un effet parapluie, ou suivant les différents métaphores possibles, on peut l'imaginer. Mais en l'occurrence, c'est justement ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a pendant longtemps documenté l'effet des volcans sur le climat et non l'inverse. Maintenant, on documente l'inverse. Mais l'effet des climats sur le volcan, c'est un refroidissement en général. On connaît tous l'exemple, beaucoup de gens connaissent l'exemple du mont Pinatubo, mm-hmm. en 91, qui a été une énorme explosion dans les Philippines, et qui avait provoqué un refroidissement de 0,5 degrés pendant un an. Donc c'est un effet potentiellement énorme. C'était la même situation au Mexique aussi, je crois, en 82, avec El Chinchon, qui avait 0,35 degrés en moins. Il y a beaucoup de débats aussi entre historiens sur le rôle des volcans dans la Révolution française, qui aurait pu favoriser une famine 5 ans avant, parce qu'ils avaient refroidi aussi la température. Tout ça pour dire que ça refroidit le climat. J'entends déjà les géo-ingénieurs qui vont s'exciter là-dessus. Le problème, c'est que ces particules de soufre envoyées dans l'atmosphère n'y restent qu'un an ou deux, ou quelques années. Donc ça a un effet qui est massif, mais qui est ponctuel. Donc ça peut en aucun cas contribuer à contrebalancer le réchauffement climatique d'origine anthropique. Mais en l'occurrence, c'est déjà la pseudo-bonne nouvelle, ça ne va pas accentuer le réchauffement, c'est déjà ça. Bon, les climato-sceptiques peuvent aussi passer leur chemin. Les volcans n'auront pas d'effet au long cours sur le ralentissement de ce réchauffement climatique. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre cette discussion autour du lien entre changement climatique et éruption volcanique. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. Il est près de 22h lorsqu'une colonne de fumée brise la nuit glaciale islandaise. Un volcan vient d'entrer en éruption dans le sud-ouest du pays. Rapidement, la lave se met à jaillir d'une fissure qui ne cesse de grandir. Elle mesure désormais près de 4 km de long. Une éruption spectaculaire, mais la police locale affirme que la population ne court pas de danger dans l'état actuel de l'éruption. Car celle-ci était attendue depuis des semaines. À Grindavik, petit village situé à proximité du volcan, les 4000 habitants ont été évacués par précaution début novembre. Plusieurs tremblements de terre avaient déformé les routes et coupé le village en deux. Depuis, les habitants n'étaient autorisés à se rendre chez eux que dans le cadre de certains créneaux horaires. Jusqu'en mars 2021, la péninsule de Reykjanes avait été épargnée par les éruptions pendant près de 8 siècles. Voilà un extrait d'une vidéo produite par les camarades de France Info le 19 décembre 2023. Vincent Louquézé, on a un peu devancé cette évocation de l'Islande comme laboratoire de la volcanologie actuelle. Pourquoi est-ce que l'Islande est un exemple aussi pratique pour étudier ce lien entre réchauffement climatique et volcanologie, et pourquoi est-ce que depuis quelques années, on se penche encore plus sur cette île qui montre de plus en plus de signes d'activité volcanique? Oui, c'est un peu ce que je disais, on a un peu spoilé effectivement le c'est son, pas mais, grave, c'est pas mais le, l'Islande se trouve sur, en plein milieu de la faille de la dorsale océanique, donc on peut voir sur les cartes, sur les planisphères, hein, il y a cette énorme chaîne montagneuse qui traverse l'Atlantique du nord au sud, et au milieu il y a l'Islande qui est finalement qu'un point émergé de cette faille, et qui est entièrement façonnée par les volcans. C'est là que sortent, je crois, 95% de la chaleur qui est évacuée du centre de la Terre, puisque c'est l'activité du noyau terrestre, par la radioactivité des éléments et par les effets de marée qui chauffent vraiment le centre de la Terre, et cette chaleur est évacuée à travers la production de magma et de chaleur, mais à 95% ça se passe au niveau là où les plaques s'éloignent ou se connectent et des dorsales. Donc ça, l'Islande est vraiment une espèce d'île qui personnalise ce phénomène, et comme en plus elle est suffisamment au nord pour être recouverte de glaciers, et comme tout ça est incroyablement bouleversé par le changement climatique actuel, ça combine tous ces facteurs, on peut vraiment voir ce qui se passe à ces échelles-là, quoi. On entendait dans l'archive le lien aussi entre séisme et éruption volcanique. Est-ce que, pour le coup, le changement climatique, là aussi, accroît la fréquence dans des endroits comme l'Islande d'éruptions volcaniques? Est-ce qu'on a, des chiffres qui appuie vraiment ces hypothèses selon lesquelles il y a un lien, une corrélation forte entre réchauffement climatique et activité volcanique? Alors aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais aussi, il n'y a pas de certitude. En fait, c'est des échelles de temps qui sont très longues, donc c'est compliqué de sortir des statistiques ou des données suffisamment longues pour être étayées sur ces choses-là. C'est plutôt en se référant au passé qu'on constate qu'effectivement, il y a toujours cette corrélation entre les périodes de déglaciation et les augmentations de l'activité volcanique. Une des hypothèses, en revanche, qui est aussi avancée par des chercheurs, c'est que même s'il y a une inertie forte de 600 ans, comme je l'évoquais, ou de plusieurs centaines d'années entre les déglaciations et l'activité volcanique, une hypothèse qui a avancé, c'est qu'on pourrait aussi être dans cette situation de regain d'activité 200 ou 300 ans après la fin du petit âge glaciaire, qui est un phénomène climatique qui était localisé sur l'Europe et sur l'hémisphère nord, mais une période au Moyen-Âge où il y a eu un regain de froid assez puissant pendant plusieurs siècles, qui a fait progresser les glaciers dans le nord de l'Europe et qui ont ensuite reflué au 18e, 19e siècle. Et donc on pourrait aujourd'hui, quand bien même une inertie serait importante dans ces mécanismes, être confronté dans les prochaines décennies ou dans un temps relativement incertain à une activité volcanique qui serait aussi peut-être due à ce retrait du petit âge glaciaire. Ouais. Et cette inertie temporelle, elle ne facilite pas la tâche des chercheurs, puisqu'on parle souvent de l'accélération du réchauffement climatique et qui ne nous permet pas forcément d'avoir justement un recul suffisant sur ces activités qui sont plutôt des activités donc d'ordre géologique et dont on a l'habitude sur lesquelles on a l'habitude de porter un regard temporel, justement plus lié à des échelles de temps géologiques. Après, il y a aussi une échelle de temps qui est, elle, très, très courte en ce qui concerne la vulnérabilité à ces volcans. C'est ce que relèvent aussi des chercheurs et qui est intéressant et qui rejoint finalement beaucoup de constats et de d'expériences qu'on retire du changement climatique. C'est notre vulnérabilité, elle n'est pas seulement due à ces événements extrêmes, elle est liée à la manière dont on les s'anticipe et dont on habite les territoires. Puisque, par exemple, sur les îles volcaniques confrontées à la montée des eaux, de plus en plus de populations migrent vers l'intérieur des terres de ces îles, puisque les côtes s'érodent. Et donc, même à activité volcanique inchangée, ces populations deviennent plus vulnérables qu'avant, puisqu'elles se rapprochent des volcans et des sources d'éruption. Elles sont plus exposées géographiquement aux effets des éruptions volcaniques. C'est ça, voilà. Donc la vulnérabilité, c'est vraiment une notion importante face aux enjeux climatiques, et la notion d'adaptation. Parce que, bon, les volcans pourraient regagner une certaine activité, mais même s'ils n'en regagnent pas, voilà, les autres éléments du contexte global et climatique pourraient nous rendre plus vulnérables. Alors, une autre question que je me posais en préparant cette émission, c'était est-ce que l'accroissement d'une fréquence d'activité volcanique va aussi de pair avec un accroissement de l'intensité de ces éruptions-là? Est-ce que ça aussi, c'est des éléments qui sont corrélés ou pas du tout? Alors, c'est pareil, je vais pas trop mouiller, je veux dire, il y a beaucoup d'incertitudes, on sait pas trop. Ce qui est intéressant, en revanche, sur la question de l'intensité des éruptions volcaniques, c'est des recherches récentes qui ont montré que on parlait de l'impact en second temps des volcans sur le réchauffement climatique et la manière dont les particules souffraient, émises par ces volcans, réfléchissaient la lumière et donc refroidissaient la Terre. En fait, ce qui peut se passer, c'est que de manière complètement interconnectée, le climat changeant va changer les courants dans la haute atmosphère et distribuer différemment ces particules. Et donc, il se peut que les volcans qui ont des éruptions les plus intenses, les plus grosses éruptions, se mettent à engendrer un refroidissement plus prononcé qu'avant en effet secondaire de leur activité, tandis que les petites éruptions pourraient avoir un phénomène inverse parce que les vents ne sont pas les mêmes et que la redistribution de ces particules ne serait pas la même. Donc finalement, même à éruption constante ou suivant l'intensité des éruptions, on aurait des effets dans la redistribution spatiale dans l'atmosphère de ces particules et dans les effets sur le climat qui serait aussi très variable. Là encore, la donne est compliquée par l'intensité de ces éruptions et effectivement l'intensité de ce réchauffement qui va modifier aussi les mouvements d'air dans les hautes couches de l'atmosphère. Marine Benoît, un point de vue sur ce dossier dans Reporter.net, sur Reporter.net et sur cette évolution-là dans laquelle on se situe. Peut-être que j'ajouterais, parce que je me suis un peu renseignée aussi avant de venir, j'ai pu lire, il y a une étude qui est sortie en août de l'Université de Cornell, qui est sortie en août et qui stipule aussi que qui affirme que le CO2 pourrait être aussi un facteur qui pourrait jouer sur, si j'ai bien compris, sur l'explosivité d'un volcan, et donc peut-être justement aussi accélérer ces processus d'éruption, puisqu'en l'occurrence, l'explosivité d'un volcan serait liée à la composition en CO2 et en H2O, en eau, du magma. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant. En fait, on a l'impression que et vraiment tout nous indique qu'en fait on va arriver vers une période colérique. Assez explosive, voilà. Vincent Lucchese, vous plus soyez dans ce sens-là sur ce lien entre CO2 et hausse du CO2 dans l'atmosphère et peut-être hausse aussi du stockage du CO2 par les couches profondes terrestres et donc du coup par des éruptions volcaniques plus puissantes. Alors, c'est pas directement les études que j'ai regardées, moi, pour mon sujet, mais il me semble je sais pas exactement à quelle échelle de temps ça joue. Il me semble qu'il faut être assez vigilant sur la manière dont le CO2 est absorbé. Quand on parle du CO2 absorbé par la lithosphère et par le manteau terrestre, c'est des processus très longs qui sont décorrélés des enjeux qui concernent la civilisation humaine et qui sont de l'ordre du siècle ou de 2100, 2200. En l'occurrence, je ne sais pas, il faudrait vérifier, je ne sais pas si vous avez la réponse que vous avez lue, je ne sais pas si ce regain d'activité lié à la concentration en CO2 dans le magma est un phénomène qui est documenté sur les échelles de temps qui nous préoccupent ou si c'est un phénomène vraiment de l'ordre des temps géologiques d'ici quelques millénaires, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en émettant plus de CO2 dans l'air, on va finir par en enfouir plus dans le manteau. Mais ça, ce sera sans doute après l'existence de notre retardement. Ouais. On sera peut-être plus là, Cécile Breton. Cécile Breton, une réaction. Oui, et moi, ce que je trouve vachement inquiétant, c'est effectivement, c'est que déjà sur l'activité volcanique, elle est super. Je reviens un peu sur le fait des difficultés de prévision, quoi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de volcanologue hein, qui avait pris 2 à 6 ans de prison parce qu'ils n'avaient pas été capables de prévoir l'éruption d'Aquila, vous savez, qui avait fait en Italie, qui avait fait presque 300 morts, je crois. Et donc, je pense que c'est très important pour nous journalistes d'essayer de faire comprendre justement, notamment avec cet exemple, que il y a telles interactions complexes à des échelles, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, très larges. Par exemple, le cycle du carbone, c'est extrêmement compliqué. Où est-ce qu'il y a du plus, où est-ce qu'il y a du moins, qu'est-ce qui capte le carbone, est-ce qu'il y en a suffisamment, dans quelle échelle de temps, si on rajoute à ça, évidemment, tous les mouvements atmosphériques, etc. C'est d'une telle ampleur que, voilà, c'est difficile. Donc, je rappelais cette histoire du volcanologue pour que, voilà, ce soit... je pense que voilà, c'est important de faire comprendre que il y a des interactions qui sont extrêmement complexes et qu'on va en découvrir encore. Oui, c'est vrai qu'en volcanologie, de même qu'en sismologie, la prédictibilité des événements est super compliquée. Ça reste un des éléments les plus complexes et ça oblige finalement à faire de plus en plus de prévention auprès des populations, notamment concernant les dangers de ces événements extrêmes. Merci beaucoup, Vincent Lucchese, restez avec nous parce qu'on va continuer dans un instant notre tour d'horizon de l'actualité scientifique. On va partir en Égypte à la recherche d'un évangile perdu. Et puis on ira ensuite en Corse à la découverte de la faune bien particulière de l'île de Beauté. Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, dans danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Ni la poussière, ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Petit bout de chair, danser au bord du cratère. Sur un volcan par la maison Tellier dans la science CQFD sur France Culture. Nous faisons aujourd'hui un tour obligatoirement sélectif de l'actualité scientifique avec nos invités Vincent Louquezé, journaliste pour Reporter.net, Marine Benoît, journaliste pour le magazine Science et Avenir, notre partenaire, et Cécile Breton, rédactrice en chef de la revue Espèce. On poursuit donc ce panorama des actualités scientifiques de ce début de l'année 2024 avec vous, Marine Benoît, et un sujet digne d'Indiana Jones qui fait la une du magazine Science et Avenir. Ce mois-ci, on a retrouvé le fragment d'un évangile oublié qui bouleverse notre compréhension de l'histoire de la Bible. Alors on est obligé, puisqu'on parle d'Indiana Jones, de planter un peu le décor de cette découverte qu'on imagine pleine de désert et de poussière. Voilà, est-ce que vous pourriez nous situer le contexte de cette découverte qui n'est pas si récente que ça? Oui, puisque là on retrouve ce fragment, mais ce fragment en réalité on l'a trouvé à la fin du 19e siècle. Donc deux archéologues britanniques d'Oxford sont allés fouiller un site qui n'était pas vraiment digne d'intérêt à l'époque en Égypte. En tout cas, c'était deux débutants un petit peu. Donc en fait, on leur avait donné un site moins intéressant. Sauf que ce site va s'avérer ô combien fascinant, puisque ils vont trouver dans une fosse, donc à même la terre en fait, à peu près 500 000 fragments, donc un demi-million de fragments de papyrus d'époques différentes, donc environ premier siècle jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, et des papyrus qui n'ont... Donc c'était littéralement des petits morceaux. C'est une poubelle en fait, c'était un trou... C'était une poubelle, ouais. C'était une poubelle sans doute, alors évidemment on n'est jamais sûr, hein, mais il se pourrait bien que ce soit une vaste fosse qui a servi de poubelle, parce que les manuscrits étaient soit datés, soit parce que le papyrus avait été déjà plusieurs fois lavé, et donc le papyrus était usé, puisqu'on réutilisait les papyrus à l'époque, c'était pas comme le papier, on le jetait pas comme ça, ça coûtait, enfin c'était un certain coût de fabrication, de main d'œuvre, et donc là, visiblement, cette masse, cette quantité de textes, donc il y avait de tout, hein. C'est ça qui est intéressant. Il y avait des textes donc religieux, en l'occurrence, non, ça on l'aura compris, mais il y avait aussi des pièces de théâtre, donc des tragédies, des comédies, des documents administratifs, des recettes de cuisine, des formules, des contrats, des listes d'achat, des formules pour faire des médicaments. Enfin voilà, il y avait vraiment de tout. Donc c'est assez fascinant d'être tombé là-dessus. Sauf qu'il y a tellement de fragments qu'on les a stockés à Oxford. Ils ont été ramenés évidemment par ces archéologues britanniques. Et il y en a tellement qu'aujourd'hui on n'en a pas étudié un fragment pour reprendre le mot. Donc chaque année il y a des publications, à peu près chaque année il y a des publications. Donc on va se concentrer sur une dizaine de fragments. Ça va faire l'objet d'un gros livre, un gros volume scientifique. Et là aujourd'hui on en est au volume 87 qui est donc sorti en août 2023. C'est pour ça qu'on parle de fragments retrouvés, des redécouverts, sauf qu'en fait, il était donc dans les archives depuis longtemps. Alors, si on se concentre sur ce fragment numéro 5575 ou 5575 pour le faire plus simplement, il a une histoire un peu particulière en plus, ce fragment, oui. Parce qu'il a voyagé de façon un peu trouble. Oui, il a eu une petite mésaventure, on va dire. En réalité, depuis quelques années, on a une institution, qui est un musée privé, hein, c'est une fondation aux États-Unis, à Washington, qui s'appelle le Musée de la Bible, derrière lequel il y a un homme assez puissant, assez riche, hein, qui a une société, une grosse entreprise de magasin de meubles, bref, donc qui a fait fortune là-dedans, mais qui est un amateur de textes bibliques et donc qui nourrit sa collection, la collection Green, donc la collection de son musée. Et il a été au cœur de plusieurs scandales, le pauvre, entre guillemets, puisqu'on le connaît, on connaît Green pour avoir acheté de faux manuscrits de la Mer Morte. Ça a été révélé. On peut rappeler ce que sont ces manuscrits qui, eux aussi, ont un côté un peu légendaire. Voilà, donc c'est des manuscrits de Qumran, donc qui sont parmi les plus qui sont les plus vieux textes aujourd'hui bibliques et qui ont été trouvés dans le désert en Israël, dans des grottes, ils étaient conservés dans des jarres. C'est des fragments qui font l'objet de beaucoup de trafic et donc il y a souvent des faux qui sont mis sur le marché. Or là, il pensait en avoir acheté un certain nombre pour un prix, je ne saurais même pas vous dire, plusieurs millions. Il s'avère que c'était des faux. Et il y a eu ce fragment d'Oxyrin qui nous intéresse là, qui faisait partie d'un petit corpus, là encore, qu'il avait acheté, en l'occurrence à un homme, Dirk Hobbins, qui est encore aujourd'hui en procès. Et on a compris, il y a eu enquête, on a compris que ce fameux Dirk Hobbins, qui était justement conservateur à Oxford, avait tout simplement volé des fragments d'Oxyrin et les avait revendus. Voilà. Je voulais mettre un peu de beurre dans les épinards. Bon, exactement. Ça le concerne. Concentrons-nous sur ce fragment. Donc, il l'a rendu, hein. Il l'a rendu. Voilà. Il a fini par le rendre. Bon, tant mieux. Vincent, vous vouliez réagir? Non? Pas du tout. Bon, alors, on continue. Ce fragment d'Oxyrinque, il contient un bout de texte qui fait penser à ce qu'on appelle des évangiles apocryphes. Alors, est-ce que vous pourriez, Marine Benoît, nous rappeler pourquoi ces évangiles, ce que sont ces évangiles apocryphes, et pourquoi est-ce qu'ils suscitent autant d'intérêt, aussi bien dans la communauté des archéologues que dans la communauté des biblistes, des théologiens, de ceux qui se consacrent à l'histoire de ce texte sacré? Oui, alors ils ont, je pensais, deux facettes. Il y a apocryphe déjà, peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est vraiment le terme en opposition, ça vient du grec, qui veut dire caché en fait. Donc c'est en opposition aux évangiles canoniques, donc qui sont les évangiles qu'on retrouve aujourd'hui dans la Bible, donc dans la partie que l'on nomme le Nouveau Testament. Il y en a quatre. Or, des évangiles apocryphes, puisque en fait, il n'y en a pas que quatre des évangiles, il y en a tout un tas. Donc ce sont des évangiles qu'on a exclus de la Bible. Voilà, à différentes périodes de l'histoire, ça a commencé à peu près au 4e siècle, où la Bible a commencé à prendre son visage un petit peu, a été modelée. Et puis, au 15e siècle, on a vraiment décidé que la Bible, le Nouveau Testament, c'était ces quatre évangiles. Marc, Luc, Matthieu et Jean. Il y a des évangiles qui sont très connus, comme par exemple l'évangile selon Thomas, qui est un évangile apocryphe, donc qui n'est pas dans la Bible. Malgré tout, évidemment, tout ça, ça va susciter aussi un petit côté sulfureux, parce que qui dit évangile caché, rejeté, mis de côté, on nous cache des choses, on ne veut pas nous dire. Ça donne le Da Vinci Code, quoi. Il y a des évangiles qui ont largement, qui sont très sexy en fait. Et en l'occurrence, évangile selon Marie, qui désigne non pas la mère du Christ, mais Marie Madeleine, qui a été, on a totalement grossi, et Dan Brown y est vraiment pour beaucoup, toute la perception de cet évangile apocryphe, où donc on a attribué une relation entre le Christ et Marie-Madeleine. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, un évangile apocryphe, souvent c'est perçu comme un évangile avec des informations un petit peu... un peu cachées, que l'Église et le Vatican ne voudraient pas voir porter sur le devant de la scène. Alors ce fragment, 55-75, est-ce qu'il nous renseigne plus sur cette histoire d'amour entre le Christ et Marie-Madeleine? Pas du tout, mais il est intéressant quand même à de nombreux titres. Alors à quel titre et comment est-ce que les équipes de chercheurs sont parvenues à ces résultats qui, quand même, ont des conséquences importantes? Bien sûr. Oui, alors il est intéressant à deux titres. La première raison, c'est que il est inédit dans le sens... Alors, on ne peut pas vraiment parler de nouvel évangile. C'est trop petit. C'est un fragment qui fait vraiment quelques centimètres, 5 centimètres sur 2. Hein. C'est vraiment minuscule. C'est écrit en grec. Donc, on arrive à deviner le passage qui est mentionné à ce moment-là. Donc, il s'agit d'un extrait du Sermon sur la montagne, qui est donc un passage qu'on retrouve dans deux évangiles canoniques. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il y a une phrase supplémentaire en dessous qui n'est n'est pas dans les évangiles canoniques et qui est plutôt tiré de l'évangile selon Thomas. Et donc, on a cette espèce de mix, de syncrétisme, en fait, entre canonique et apocryphe, pardon, et qu'on avait vu nulle part ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect intéressant de ce fragment. Le second point d'intérêt, c'est son âge, puisqu'il s'agirait donc on le date du deuxième siècle, voilà. Finalement, assez peu de temps après les faits qui sont rapportés, puisque... On est vraiment à peine un siècle, enfin quelques dizaines d'années, plusieurs décennies, on va dire, après la vie du Christ. Et deuxième siècle, c'est là, on n'a pas plus ancien, oui. Pour ce qui est... Ça ne veut pas dire qu'ils ont été écrits au deuxième siècle, mais on n'a pas plus ancien, aujourd'hui, archéologiquement parlant, voilà. Comment est-ce qu'on a fait pour dater, justement, ce fragment aussi petit? Alors, on se base sur l'analyse des caractères, parce que malheureusement, on ne peut pas... Alors, on pourrait dater au carbone 14, puisqu'il s'agit de papyrus, donc c'est organique. Si on le fait, on détruit le fragment, parce qu'il est trop petit. Donc il faudrait en prélever un bon tiers pour pouvoir le passer dans un accélérateur de particules et donc le dater au carbone 14. C'est une question qui n'est pas totalement exclue. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas ce fragment-là, il n'est pas question de le faire, mais ça pourrait être fait, voilà. On peut décider de détruire quelque chose pour la science. C'est dramatique de l'archéologie, ouais. Parfois, c'est que découvrir, c'est détruire. Bon, là, pour le coup, vous le dites, c'est pas encore tranché, il n'y a pas encore eu de décisions qui ont été prises, mais quand même, cette méthode de datation par paléographie est plutôt, c'est ça, voilà, plutôt par paléographie. Sérieuse. C'est sérieux, après, c'est pas d'une fiabilité à toute épreuve, hein. Analyser donc l'écriture d'un scribe, dire, bon, bah, tel caractère était plutôt de cette forme à cette époque, voilà, c'est pas ce qu'il y a... On aura toujours des arguments à opposer. C'est ça. Voilà. Il y a quand même, comme toujours et souvent en archéologie, des débats. Est-ce que là-dessus, justement, on peut apporter des nuances? Est-ce que vous pouvez nous présenter les réactions qui ont été apportées à cette découverte-là? Alors, donc la question de la datation, pour l'instant, elle fait encore débat, parce que il faudrait qu'on puisse justement avoir un peu plus d'arguments que l'analyse paléographique. Par ailleurs, donc. Même si on fait une datation carbone 14, on ne sera pas sûr que ça date de la première moitié du deuxième siècle. Donc, par exemple, si ça datait de la première moitié du deuxième siècle, là, on serait vraiment sur le plus ancien fragment d'évangile, hein, jamais retrouvé. Donc là, en plus, ça serait un apocryphe. Le plus ancien avant celui-ci, avec lequel il rentre en concurrence de fait, c'était quoi ? P52, qui est un petit fragment, là aussi, d'un évangile canonique, cette fois. Donc, voilà. Donc, on a vraiment là... c'est ça aussi qui fait tout son intérêt, celui-ci. Là, on peut se demander ce que ça implique d'un point de vue théologique. Bien sûr, quelles conséquences ça peut avoir, voilà, sur notre compréhension de la Bible, de l'écriture des évangiles, de leur transmission éventuellement. Exactement. Alors là, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, l'argument de l'Église pour justement justifier le fait qu'on ait retenu 4 évangiles dans la Bible et pas les autres, c'est de dire que ces 4 évangiles-là et sont plus anciens ont été écrits en premier. Et les évangiles apocryphes sont plus récents et auraient donc contiendraient un certain nombre d'inexactitudes, de fantaisie, ce qui est le cas. Vraiment, il y en a qui sont très fantaisistes. Hein. On va dire qu'ils jouent beaucoup sur le merveilleux et qui vont grossir l'aspect magique du Christ, lui conférer des pouvoirs extraordinaires, etc. Les canoniques sont beaucoup plus sages. Si aujourd'hui on arrive à prouver archéologiquement qu'un évangile apocryphe est plus ancien, en tout cas ce qu'on a sous la main, est plus ancien que le plus ancien fragment canonique, là, l'argument ne tient plus. Oui, on aura peut-être enfin découvert ce Graal. Vincent Lucchese, comment vous réagissez à cette découverte très Indiana Jones-esque? Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis le début de votre présentation, c'est cette notion d'énorme réserve en fait, encore qu'on a d'archives avec plein de documents. En fait, on retrouve un petit fragment comme ça d'évangile. Moi, je me suis dit tout de suite, est-ce que les autres fragments sont encore dans les archives non étudiées? Est-ce que les archéologues ont des espoirs ou une espèce d'excitation à retrouver d'autres fragments de... Bien sûr. Alors oui, pour le coup, le corpus d'Oxyrhynque suscite beaucoup d'espoir, parce que donc il en reste énormément. Il n'est pas impossible qu'on trouve la suite, hein, par exemple, de ce fragment, mais dans 30 ans. Mmh. Et puis, il n'est pas impossible qu'on en trouve des plus anciens. Donc, heureusement, on a toujours encore... Il y a moins de découvertes qu'au 19e, hein, bien sûr. Enfin, en tout cas, moins extraordinaires. Mais on a encore des choses à éplucher. Donc, ouais, tout à fait. Tout est possible. Et en plus, on a des méthodes d'observation aujourd'hui qui se développent, qui vont permettre aussi des méthodes d'imagerie, notamment, qui pourraient éventuellement permettre de mettre en lumière des textes qui seraient un peu effacés, qui seraient un peu plus difficiles à déchiffrer. Oui, il y a, c'est important. L'intelligence artificielle va pouvoir jouer un grand rôle dans le décryptage de certains de ces fragments qui sont quasi illisibles aujourd'hui. Donc. Cécile Breton, une envie particulière de partir en Égypte pour chasser le fragment de papyrus? Oui, moi en fait, je suis embêtée parce que j'avais exactement la même question que mon confrère qui m'est venu à l'esprit, parce qu'effectivement, comme il y a cette masse de documentation, je pense que c'est en plus pas le seul gisement de papyrus ou d'écrits antiques qu'on n'a pas encore réussi à déchiffrer, soit parce qu'ils ont été brûlés, soit parce qu'ils sont dans un état qui tombe en poussière dès qu'on essaie de les ouvrir. Oui, parce que vous avez parlé aussi de textes un peu scientifique, est-ce qu'il y a des choses, enfin, qu'est-ce qu'on sait en fait de ce volume de connaissances auxquelles on n'a pas encore tout à fait accès? Pour l'instant, je sais pas si vous l'avez dit, mais la partie qui a été vraiment déchiffrée, elle est toute petite, quoi. Marine Benoît. Oui, c'est vraiment tout petit. Oui, tout à fait. Après, vous parlez, Cécile, du corpus d'Oxyrhynque précisément ou en général? Non, de celui-là en général, parce que je crois que vous aviez cité des recettes de médicaments. Oui, vraiment, il faut imaginer, c'est comme si en fait on avait pris une partie de Beaubourg, de la bibliothèque de Beaubourg, et qu'on l'avait enfouie dans un trou. Donc c'est une poubelle de recyclage. Après, passer un peu à la broyeuse quand même. Ouais, à voilà, papier. Peu, oui, voilà. Ouais. Encore que non, puisqu'il y a des textes qui sont, enfin des papyrus qui sont plutôt entiers. Donc le temps a surtout fait son affaire, voilà. Et est-ce qu'on peut accéder à des images de ces fragments? Oui, donc il existe cette collection, on va dire, qui s'appelle les papyrus d'Oxyrhynque. C'est quand même des volumes scientifiques réservés aux initiés. Hein. Ça vaut très cher, hein. On peut pas se procurer comme ça. Mais si on tape papyrus d'Oxyrhynque sur Internet, on trouve plein de choses. Hein. Vous verrez plein de visuels. On va partager ces visuels, bien sûr, à l'instant, sur notre compte Twitter à Science CQFD, grâce à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc. Et on va poursuivre merci beaucoup Marine Benoît, on va poursuivre cette discussion autour de l'actualité scientifique. Cette fois, on va prendre un peu l'air et on va partir du côté de la Corse. France Culture, la Science CQFD, Antoine Beauchamp. Et on conclut ce tour d'horizon avec vous, Cécile Breton. On reste bien sûr dans l'espace méditerranéen, mais cette fois on revient au temps présent et on part en direction de l'île de Beauté, grâce à l'un des programmes phares du Muséum National d'Histoire Naturelle, baptisé Planète Revisitée. On en sait plus sur la faune corse et sur la faune spécifique à la Corse. Alors avant d'y aller, je vous propose d'écouter une présentation de ce programme issue de la chaîne YouTube du Muséum National d'Histoire Naturelle. L'objectif de Planète Revisitée, c'est évidemment les invertébrés. Dans le terrestre, le groupe essentiel, c'est les insectes. Donc nous, c'est notre, entre guillemets, spécialité. Je considère que c'est la biodiversité négligée, même si c'est en représentant la plus importante. Elle est assez méconnue, pléthorique, et c'est vraiment dans ces groupes-là qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et ben ça, au départ, c'était un micro-sentier à peine visible, caché dans la végétation. La commune, avec les éco-gardes, a un peu élargi le sentier, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps au montage des pièges. Donc là, tu as un piège polytrappe. C'est un modèle assez léger de piège d'interception. Le principe, l'insecte cogne, il tombe dans l'entonnoir, il va dans un liquide de conservation. On essaie de les mettre bien au soleil, un peu en hauteur, pour attraper des insectes qui volent dans la canopée des arbres. Voilà, Cécile Breton, cette présentation sautillante de l'un des programmes qui fait la fierté du Muséum National d'Histoire Naturelle, le programme Planète Revisitée, qui existe depuis 2006 et qui parcourt le monde à la recherche de nouvelles espèces, que ce soit dans la faune ou dans la flore. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les enjeux de ce programme et comment est-ce que les scientifiques ont posé leur bagage en Corse ? Oui, alors c'est marrant parce qu'effectivement, ils ont commencé très loin. Ils ont commencé au Vanuatu, ils sont passés par Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Bon, bah, tout ça, c'est des milieux qui ont encore beaucoup de choses à... Enfin, déjà, beaucoup d'espèces endémiques et locales. Et la Corse en fait partie, donc c'est plutôt une reconnaissance, je trouve, pour l'île. Et elle a une particularité aussi, la Corse, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amateurs... vous savez, ces amateurs éclairés qui ont été souvent les fondements de la recherche scientifique, notamment sur les insectes, parce que sur les insectes, on sait quand on est un amateur qu'on peut trouver une nouvelle espèce. C'est pas improbable. Il y a tellement de variétés et de variétés d'espèces. Il l'a dit dans le reportage. Alors, le résultat en Corse, il était attendu assez spectaculaire. On le savait déjà, d'ailleurs les chercheurs l'ont dit. Ils pensaient trouver quand même pas mal d'espèces nouvelles. Ils en ont recensé 4000 à peu près. Alors là, on parle effectivement des arthropodes terrestres, donc insectes et araignées. Il y en a 148 qui sont nouvelles pour la Corse, donc qui n'avaient jamais été observées. Et il y en a 12 qui sont vraiment nouvelles pour la science, c'est-à-dire qui n'ont jamais été décrites. Donc, parmi elles, il y a 2 guêpes, 1000 pattes, et il y a beaucoup de mouches aussi. Il y a 8 mouches. Un papillon aussi, je crois. Et il y a un papillon, ouais, c'est ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est un beau papillon qui fait à peu près 6 cm d'envergure. Alors, tous ces animaux, dont ce papillon, ils ressemblent évidemment un peu à ceux qui sont équivalents sur le continent, mais l'intérêt de cette mission, c'est comme elle a la possibilité de faire des séquençages ADN assez rapidement, on a pu démontrer que ce sphinx, donc c'est un sphinx du pin, était vraiment une espèce qui avait évolué sur place et donc avait été suffisamment isolée pendant assez longtemps pour devenir une nouvelle espèce. Donc elle a gagné le nom de Corsica à la fin de son nom. Ce qu'il faut souligner, ouais. Cécile Breton, c'est que les scientifiques ont été d'une efficacité redoutable dans cette taxonomie-là, puisque d'habitude ça prend beaucoup plus de temps d'établir la présence de nouvelles espèces, ça prend des décennies. Là, comment ils s'y sont pris pour être aussi efficaces? Je crois que le programme a duré de 2019 à 2021, si je ne dis pas de bêtises. Bah déjà, ils étaient assez nombreux. Je crois que sur les. Donc, il y a eu 19 sites, je crois, sur les deux années, enfin, entre 2019 et 2021, qui ont été échantillonnés. Ça a été très méthodique. Et puis, surtout, l'objectif de ce programme, c'est de faire un inventaire, comment dire, une photographie vraiment de la biodiversité. Ce n'est pas d'aller chercher une espèce particulière ou l'espèce rare, etc. Donc, après, oui, je pense qu'il y avait des moyens derrière aussi pour faire les analyses génétiques qui sont souvent, d'ailleurs, dans les deux autres études dont je vais vous parler, elles ont mis énormément de temps, quoi. Parce que déjà, il faut les crédits, il faut le temps. Donc là, ils avaient tout sur place, ils avaient intégré aussi beaucoup des bénévoles, des gens, évidemment des chercheurs, des gens de l'Office de l'Environnement, donc de la Corse, où il y a une grosse armada qui a débarqué. Oui, et puis par ailleurs, Cécile Breton, excusez-moi, je vous interromps, mais ça répond aussi à l'urgence d'une extinction qui est en cours. Il faut pouvoir faire cette photographie, comme vous le disiez, aussi rapidement et précisément que possible. Oui, alors c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan, hein, parce qu'on sait qu'il y a des millions d'espèces qui sont pas encore décrites, mais c'est déjà. Et puis surtout, il y a aussi une vitrine médiatique, hein, qui a permis aussi que les gens se rendent compte, et même les Corses, qu'il y a encore une richesse à découvrir et qui est donc potentiellement en danger, quoi. Oui, on parle d'île, là, on parle d'île, donc souvent quand on parle d'île, on parle d'espèces endémiques. Alors vous parliez de cette espèce de papillon, le sphinx du pin propre à l'île de Beauté. Est-ce que on peut parler d'autres espèces qui seraient des espèces emblématiques? Moi, je pense à Ouguette ou Volpe et le chat renard, une espèce de chat sauvage assez emblématique qu'on ne voit qu'en Corse, du coup. Et comment on a pu savoir ça? Alors oui, le chat renard, c'est pas une, enfin chat renard, c'est son nom vernaculaire parce qu'on le connaît depuis longtemps. On l'a appelé comme ça ici parce qu'il a une queue assez touffue, donc ça fait, bon, il a évidemment rien à voir avec le renard. Alors le chat renard, c'est pas une espèce, hein, c'est pas une espèce à part. Hein. C'est-à-dire que les résultats génétiques là, ils ont été publiés en début d'année 2023, il me semble. Et donc effectivement, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment ce chat, il avait Est-ce qu'il avait été suffisamment isolé du reste de la population, notamment des chats domestiques, pour pas que avoir été, son génome n'avait pas été quand même mélangé avec des chats domestiques ou pas. Donc manifestement, c'est pas trop le cas, c'est-à-dire qu'il est quand même relativement homogène d'un point de vue génétique. Quel rapport il avait avec les autres chats sauvages qui sont le chat sauvage européen Sarde. Continental. Oui. Non, d'abord le attention. Le continental, pardon. C'est très compliqué. Il y a le Felis sylvestris, donc qui est le chat européen. Donc là, il a aucun rapport, mais ça on le savait déjà plus ou moins. Et en fait, il est issu d'une lignée qui est la lignée qui a donné aussi tous les chats domestiques, qui est Felis sylvestris libica, qui est un chien. Le chat ganté du nord de l'Afrique. Ce chat, il a été, parce que évidemment en Corse, il n'y a pas de faune d'origine de félin au Pléistocène avant l'arrivée de l'homme. Donc c'est un animal qui a été probablement soit été amené dans l'ancêtre de ces sacs à dos à grillage qu'on voit parfois dans le train, dans une petite cage peut-être. Voilà, donc il a été très probablement importé au néolithique, où il a suivi les souris, où il a suivi les hommes, mais en tout cas, il a été suffisamment isolé pour avoir une certaine homogénéité. Il est assez proche aussi, évidemment, du chat, donc de Felis sylvestris libica, variété sarda, donc le chat sauvage sarde, mais qui lui a été un peu plus entre guillemets pollué par les chats domestiques, hein, donc son génome est moins préservé. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc a priori, ce serait plutôt une variété de Libica, qui est aussi à l'origine des chats domestiques. Une variété qui a percolé jusque dans les mythes et légendes pastorales en Corse, mais je crois qu'il n'y a pas qu'une histoire de chat dans ce que vous vouliez nous apporter de Corse, Cécile Breton. Je crois qu'il y a une petite espèce de chauve-souris qui vous tient particulièrement à cœur, et là, pour le coup, qu'on ne trouve qu'en Corse. Ouais, alors là c'est une publication aussi récente. Là on a enfin, bon, ça fait très longtemps qu'on court après cette chauve-souris, parce qu'on savait. Là effectivement, c'est des animaux sauvages qui habitent dans des endroits très inaccessibles, donc il y avait une forte probabilité pour qu'il y ait une chauve-souris endémique. Que le groupe Chiroptère Corse, que je salue ici parce qu'ils ont fait un travail incroyable pour aller retrouver ce petit murin en fait, qui avait juste quelques petites caractéristiques un peu différentes de ceux du continent, mais qui finalement a pu être analysé. Donc on a fait des analyses génétiques, et là il y a une véritable différence dans son génome, dans ses groupes de gènes, etc. Des allèles qui sont particulière à cette espèce, et donc il a donc été nommé maintenant. Donc on a cru au début que c'était le murin de Nateter, mais en fait c'est le on lui a donné le nom de Noustral, qui veut dire en Corse, chez nous, notre. Donc c'est notre chauve-souris. Myotis Noustral. Noustral. Avec des jolies petites oreilles en forme de spatule de ski, si j'ai bien lu la description. Ça fait 7 à 10 grammes. C'est une toute petite chauve-souris qui est nichée. On connaît 4 gîtes, et il n'y en a qu'un qui est véritablement accessible, parce qu'elle a eu la bonne idée de se mettre dans un barrage. Mais les autres sont tellement en altitude, ils sont protégés par des barrières de 30 mètres de falaise, que même les expérimentés chiroptérologues, qui sont des montagnards avertis, n'ont pas pu aller jusqu'au gîte, donc faire les comptages directement. Ils les ont comptés en fait en faisant des captures, etc. Ils savent plus ou moins où sont les gîtes, mais ils n'ont pas pu y accéder. Et surtout, suite à ce travail qui est quand même qui a duré plusieurs années, et l'étude génétique, là, elle était assez longue aussi, hein. Faut pas se cacher, mais donc le résultat, il est très intéressant, parce que c'est maintenant probablement le seul mammifère endémique de France métropolitaine. Hein, parce que je rappelle que la Corse est en métropole, pour ceux qui en douteraient. Il n'y a plus de mammifères qui sont strictement seulement sur le territoire français métropolitain. Donc voilà, je trouve que c'est une belle nouvelle. Il n'y a pas encore eu beaucoup d'écho médiatique, et je serais contente. Et on lui donne un écho ici, et en même temps ça nous permet aussi de montrer les progrès qui sont réalisés dans le domaine des sciences écologiques, avec toute cette approche complexe, multiple, avec plein de méthodes différentes qui sont mélangées. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas d'être venus nous faire ce tour d'horizon de l'actualité scientifique. Merci Cécile Breton. On peut retrouver retrouver Espèce dans les kiosques. On peut retrouver également Sciences et Avenir en kiosque Marine Benoît. Et Vincent Lucchese, on vous lit sur le site reporter.net. Merci aux équipes de France Bleu Frequenza Mora en Corse pour le duplex du jour. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver une autre as de l'actualité scientifique, Alexandra Delbo, qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, on rouvre le dossier brûlant de la chloroquine. Des milliers de décès pourraient être imputables à l'hydroxychloroquine. Pendant la pandémie, elle a fait partie des molécules dites repositionnées. C'est le terme alloué lorsqu'on donne un médicament dans une autre indication que celle pour laquelle il a été développé. Et le but est de gagner du temps. Par exemple, en se servant d'une substance dont on a déjà réalisé des premiers tests d'innocuité, de toxicité chez l'animal ou l'humain, on évite de les passer à nouveau. L'exemple le plus connu de repositionnement, c'est celui de l'AZT, l'azidotimidine. Timidine, premier antirétroviral utilisé dans les traitements contre le VIH, mais qui était initialement destiné à être un anticancéreux. Et pendant l'émergence du SARS-CoV-2, on manquait justement de médicaments efficaces et de temps. C'est ce qui a participé à placer l'hydroxychloroquine sur le devant de la scène. Jean-Christophe Legas est médecin et enseignant-chercheur au CHU de Lyon. Il y a eu deux éléments qui ont conduit à proposer ce traitement. Le premier, c'était un travail de confrères chinois qui avait montré qu'il pouvait avoir une activité antivirale sur des données in vitro. Et puis le deuxième, c'était ce papier de nos collègues de l'IHU de Marseille, qui était une étude observationnelle, pilote, on peut dire ça comme ça, montrant que ça accélérait la disparition du virus. Et à partir de là, sur ces deux papiers, ça a été implémenté dans les plateformes d'essais contrôlées randomisées pour vérifier l'efficacité et la sécurité du médicament. Notamment pour l'efficacité, la charge virale n'est pas un élément qui est pertinent, ni pour le patient, ni pour le médecin. Et ce qu'on souhaitait, c'était réduire deux événements très graves, qui est un, l'intubation, en réanimation, parce qu'on sait que c'est un tournant dans le pronostic de la maladie. Et puis le deuxième, évidemment, c'est la mortalité, parce que c'est un virus qui avait une mortalité associée à l'époque en intra-hospitalier, environ 10 à 20%. À la fin du mois de mars 2020, l'antipaludique pouvait être prescrit à titre dérogatoire et compassionnel. Et c'est sous un certain emballement médiatique autour de Didier Raoult que la molécule a été intégrée in extremis à l'essai européen Discovery. La toxicité, notamment cardiaque, était connue de longue date, mais ce sont notamment 8 décès remontés au centre de pharmacovigilance qui vont faire abroger l'usage compassionnel de la molécule en France. En mai 2020, il était devenu déraisonnable de prescrire l'hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid-19 parce que sa balance bénéfice-risque n'était pas favorable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bénéfice sur la mortalité et trop de risques de décès. Et c'est dans ce contexte bien précis que s'ancre cette nouvelle étude parue il y a quelques jours. Les auteurs et autrices ont donc voulu estimer l'excès de mortalité associé à la prise d'hydroxychloroquine, donc de conjuguer le risque de décès de la Covid-19 à celui du médicament. Et le résultat s'exprime en ordre de grandeur. Il y aurait environ 17 000 morts imputables à l'hydroxychloroquine dans 6 pays du monde, dont 200 morts pour la France. On a appliqué un modèle qui est assez simple, qui est juste des multiplications sur ces quatre paramètres. L'effet de l'hydroxychloroquine sur la mortalité intra-hospitalière, le taux d'exposition à l'hydroxychloroquine et le nombre de patients hospitalisés. On peut tous refaire ces calculs très simplement. C'est comme disait mon prof de physique au lycée, c'est ça, fois ça, fois ça, fois ça. C'est ça qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que cet excès de mortalité qui est dommageable, certes, mais qui est relatif, un excès de mortalité de 11,1%, vous passez de 10% à 11%, vous voyez que c'est pas très important, si vous voulez, mais quand vous faites des prescriptions à très large échelle, eh bien, on obtient des effets qui sont frappants, je dirais, importants, significatifs. Et c'est un message, je pense, prudentiel si jamais devait survenir une nouvelle pandémie. Comme toute estimation, cette étude présente certaines limites méthodologiques. Elle ne donne en réalité qu'une fourchette des possibles. Mais c'est la première à s'intéresser ainsi aux excès de mortalité liés aux médicaments pendant la pandémie. Prochaine étape de ces travaux, évaluer d'autres molécules utilisées contre la Covid-19, mais aussi de remonter dans le temps avec la pandémie de VIH afin d'établir un bilan global du repositionnement de médicaments et de déterminer si cette stratégie est bénéfique ou non. La science, c'est QFD. Nous sommes très en retard et déjà fini. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve bientôt et en attendant, gardez le bon cap. Il y a toujours une terre de science en vue.